quartier de l'état-major général des forces armées burundaises. À dater de ce jour, le 3 septembre 1987, les forces armées burundaises, associées aux forces vives de la nation, ont analysé la gravité de la situation instaurée par le régime de M. Bagalva et ont pris les dispositions suivantes. Premièrement, M. Bagalva est démis de ses fonctions de président du parti, de l'État, de chef du gouvernement et de commandant suprême des forces armées. Deuxièmement, la constitution est suspendue. Troisièmement, le comité central du parti UPRONA est dissous. Quatrièmement, le gouvernement de Bagalva est destitué. Cinquièmement, l'Assemblée nationale est dissoute. Sixièmement, il est instauré un comité militaire pour le salut national, présidé par le major Pierre Buyoya. Septièmement, ce comité demande à tous les citoyens de garder le calme, de veiller à la sécurité de la nation. Huitièmement, les voies de communication, les aéroports et les frontières sont fermées. Neuvièmement, les directeurs généraux régleront les affaires courantes dans leur ministère. Les gouverneurs de province, les premiers secrétaires nationaux. Le passage d'un régime de parti unique à un régime aussi dur ou encore plus dur ne se fait pas toujours par un coup d'État militaire. Au Tchad, c'est après une longue guerre civile et au nom de la réconciliation nationale que le maintien de la dictature est justifié par Hissène Habré, dont les troupes s'emparent de N'Djamena le 7 juin 1982. En Guinée, c'est une semaine après la mort naturelle d'Ahmed Sékou Touré que le colonel Lansana Conté prend le pouvoir le 3 avril 1984. Lansana Conté, président de la Guinée au Club de la Presse, le 27 mars 1985.